Peuple bon Dieu, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous connaissons chercher l'évangile qui pourrait d'eau camper l'œuvre les tomber. Une parole qui pour soulager ou là on a gros difficulté. Une parole qui pour aider ou changer la vie. Parce que bon Dieu dit tout le monde qui pas tant de parler de l'évangile là doit condamner. Mais nous-mêmes, dans la mission qu'il ban nous pour nous gagner bonne nouvelle là. Nous pas voulons ni coupables ni responsables pour pas attendre belle parole ça. C'est pour ça. Nous regrettons ça pour tout le monde qui a cherché parole qui pour faire au plaisir. Parole qui n'a intérêt. N'a dit yo, parole céleste là, qui a un message pour tout le monde sans distinction. N'a profité de gloire à Dieu pour si là yo qui tend des messages nous. Qui apprécie, qui aide nous partager et qui applique dans la vie. Et n'a prié pour tout le monde qui peut comprendre la parole céleste. Cap critiquer parce que laisse ça aider nous chercher faire plus connexion avec bon Dieu pour inspirer nous plus bel message toujours. Et n'a demandé bon Dieu pour le bénir à travers ces dessins qui relaient. Je bénirai l'Éternel.